Affaires sensibles, aujourd'hui la fiction qui mêle et entremêle histoire vraie et reconstitution, tranche de vie d'une biographie. Aujourd'hui, Aldo Moro, un programme proposé par Patrick Liégibel. Notre invité, Emmanuel Amara, cinéaste, écrivain et auteur du documentaire intitulé « Les derniers jours d'Aldo Moro ». Affaires sensibles, la fiction, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, avec l'appui des documentalistes de Radio France, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Laurent Thomas, à la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Né en 1916 à Mahaliers, dans les Pouilles, Aldo Moro doit sa triste célébrité à son assassinat le 9 mai 1978 par les Brigades Rouges. Ce professeur de droit pénal à l'université de Bari est élu à l'Assemblée Constituante dès 1946 et il participe à la rédaction de la nouvelle Constitution italienne. Député, ministre de la Justice, de l'Éducation nationale puis des Affaires étrangères, Aldo Moro a été plusieurs fois président du Conseil ainsi que président du Parti de la démocratie chrétienne de 1976 jusqu'à sa mort le 9 mai 1978. Enlevé en plein Rome, il est retrouvé assassiné dans le coffre d'une voiture après 55 jours de détention. Une éventuelle béatification d'Aldo Moro est à l'étude depuis 2012. Bonjour Patrick Liégibel. Bonjour Fabrice. L'auteur Caroline de Kergariou. Eh bien Caroline est bretonne et fière de l'être. Elle a étudié les mathématiques et soutient contre l'opinion courante qu'il s'agit d'un art comme la peinture ou la musique. Scénariste pour la télévision, elle participe depuis 2006 aux différentes émissions de fiction de France Inter. Inspirée de l'affaire Dutroux, sa pièce de théâtre « La cave », actuellement jouée en Belgique, a d'abord fait l'objet d'une nuit noire. Le texte est paru cet automne aux éditions « L'œil du prince ». L'assassinat d'Aldo Moro de Caroline de Kergariou, réalisation Michel Sidorov. Italie, 16 mars 78. À la Dolce Vita ont succédé les années de plomb, meurtres et attentats à la bombe à tous les coins de rue. Le pays est mis à feu et à sang par des groupuscules d'extrême gauche comme les Brigades Rouges. C'est du moins ce que l'on croit à l'époque. Le procès des dirigeants des dites brigades vient de s'ouvrir à Turin. Cette belle victoire de l'antiterrorisme va-t-elle enfin ramener le calme ? Repasse-moi l'enregistrement, Pietro. Ce matin, nous avons enlevé le président de la démocratie chrétienne, Moro, et éliminé ses gardes du corps, sbires de Cossiga. Un communiqué suivra. On fait quoi, patron ? On attend le communiqué ? On attend le communiqué ? Aldo Moro, l'artisan du compromis historique, vient d'être enlevé par les Brigades Rouges, et tu penses qu'il faut attendre d'en savoir plus ? Non, on interrompt le programme, il faut passer l'info. Mais on n'a pas vérifié. Eh bien, on va le dire qu'on n'a pas vérifié. Maintenant, hop, au maquillage, au galop. Nous interrompons nos programmes pour une information dramatique. Nous n'avons pas encore de confirmation officielle, mais la nouvelle semble malheureusement exacte. Le président de la démocratie chrétienne, l'honorable Aldo Moro, a été enlevé il y a peu à Rome, via Fani, par un commando de terroristes. L'honorable Aldo Moro, 61 ans, est l'un des hommes politiques les plus respectés du pays. Il a été maintes fois ministre et président du Conseil. Rappelons que ce virtuose de la négociation œuvre depuis plusieurs années au compromis historique, accord qui doit permettre au Parti communiste de rejoindre la majorité. C'est en se rendant à la Chambre pour le signer... Depuis les élections de 76, l'Italie est ingouvernable. Aucune majorité ne se dégage. Les démocrates chrétiens ont obtenu 38% des voix, le PC 34. C'est le deuxième parti du pays. Pourtant, il est relégué dans l'opposition depuis 30 ans. Le compromis historique va permettre aux communistes de participer enfin au gouvernement, d'autant qu'avec l'eurocommunisme, ils ont pris leur distance avec Moscou. Cet accord, mi-chair, mi-poisson, que vous préparez depuis si longtemps, Aldo Moro, ne fait-il que des heureux ? Mon mari ne me raconte jamais rien de ce qui touche à la politique. Jamais. Sauf une fois. Une fois seulement, il s'est confié à moi. En 1974, à ce moment-là, il était ministre des Affaires étrangères. Et cet homme lui a dit... Il lui a dit, ou bien vous abandonnez cette idée de faire collaborer toutes les forces politiques de votre pays, ou alors vous le paierez très cher. Comprenez ce que vous voulez. Mon mari en a été tellement bouleversé qu'il est tombé malade et a quitté Washington dès le lendemain. Il voulait quitter la politique. Mon Dieu, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Cet homme dont parlait votre mari, vous savez qui il était, signora Moreau? Je le sais, oui. Il s'agissait d'Henry Kissinger. Kissinger? En 76, on l'a menacé à nouveau. Depuis les années 50, les Américains n'avaient qu'une trouille, voir les communistes prendre le pouvoir dans les pays de l'OTAN, c'est-à-dire les pays qu'ils estimaient être sous leur contrôle, et même s'ils étaient élus démocratiquement. De peur, sans doute, qu'ils filent ventre à terre à Moscou, les plans secrets de l'OTAN bien serrés dans leurs petits poings crispés. Aux US, la parano anti-rouge n'avait toujours pas désarmé depuis McCarthy. Alors, le compromis historique, vous pensez, pas question. Seulement, toutes ces histoires, le public n'en savait rien. Le chantage auprès du FMI, par exemple, moi, je l'ignorais. Je n'avais jamais entendu parler de Gladio non plus, ni des réseaux Stay Behind. Au début de la guerre froide, dans la crainte d'une invasion soviétique, les Américains mettent en place dans chaque pays de l'OTAN une armée clandestine. En Italie, elle a pour nom Gladio, le glaive. Chaque président du Conseil est mis au courant de l'existence de ces troupes secrètes. Elles sont chargées de missions de renseignement, de sabotage et de guérilla, et coordonnées par la CIA. Seulement au bout d'une dizaine d'années, les Soviétiques n'ont toujours pas attaqué. N'est-ce pas un peu dommage d'avoir toutes ces troupes bien entraînées et qui ne servent à rien? Sans parler de ce beau matériel qui ne demande qu'à exploser et à pétarader. Honorable Président, pourquoi m'avez-vous enlevé? J'ai toujours fait la médiation entre la gauche et la droite. Commencez d'abord par enfiler ça. Les costards trois pièces, c'est pas franchement le genre de la maison. La maison? Celle-ci. La prison du peuple. Nous vous avons amené ici pour vous soumettre à un procès, devant le tribunal du peuple. Sous quel chef d'accusation? Vous osez le demander, Président? Alors que vous êtes le chef de la démocratie chrétienne, qui tient le peuple italien sous sa botte depuis 30 ans, le principal responsable de l'État bourgeois au service des multinationales, chaque étape de la contre-révolution impérialiste dans notre pays a eu la démocratie chrétienne pour artisan. Parce que vous croyez que je suis le leader incontesté de la démocratie chrétienne? C'est une image entièrement fabriquée par la presse. J'ai été constamment en désaccord avec le parti. C'est vous qui le dites. Et le compromis historique avec les communistes, c'est aussi de la contre-révolution impérialiste? Le plus bel exemple, oui. Attirer le parti communiste dans le giron des forces réactionnaires pour priver les masses prolétariennes de leurs représentants traditionnels. Très habile, bravo. Il ne leur reste plus que nous, Omas. Vous n'y pensez jamais? Justement, je m'en préoccupe. Et d'abord, je veux savoir ce qui est arrivé aux hommes de mon escorte. Vous voulez? Hein? Vous voulez? Eh bien, honorable président, il y a un truc que vous n'avez pas l'air d'avoir bien compris. Ici, c'est la volonté prolétarienne qui prime, pas la vôtre. Et maintenant... un beau sourire. On va vous tirer le portrait. La photo d'Aldo Moro posant devant le drapeau des Brigades Rouges est publiée dans la presse avec le premier communiqué de celle-ci. Le découvrir comme ça. La chemise ouverte, mais quelle tristesse. On lui voit même son maillot de corps. Jamais il ne se serait montré dans cette tenue, mon mari. Lui qui va à la plage en costume avec cravate. Mais c'est bien lui. Pas de doute. Fatigué. Triste, bien sûr. Mais il n'est pas battu. On le voit dans ses yeux. Il ne va pas se soumettre à ses ravisseurs comme ça. I won't want to know. Vorrei sapere. I want to know. Vorrei sapere. Vorrei sapere. I want to know. Come fa la gente a concepire di poter vivere nelle case d'oggi inscatolati come le acciughe nascono i bimbi che han già le rughe. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know, perché la gente non dice niente. I want to know, I Mr. Hyde, I Dr. Jekyll, i costruttori di questi orrori che senza un volto fanno le case dove la carie germoglia già. I want to know, I want to know, I want to know, I want to know. That I fight forever, for the thing of the fire. Dopo aver leva tu vittari e fuori po' doppeva. Dottereva po' farci po' devo non fare. Tappa devo, tappa devo, doppeva. Tappa devo, tappa devo, tappa devo, doppeva. Tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa devo, tappa L'enlèvement à peine commis, le plan zéro est activé par le ministère de l'Intérieur. Le plan zéro, 20 000 hommes, 37 000 perquisitions. Les moyens mis en œuvre sont pharaoniques. Francesco Cossiga, le ministre de l'Intérieur, met sur pied non pas un, mais trois comités de gestion de crise. Le troisième, secret, est une cellule de profilage avant la lettre. D'ailleurs, il compte un mystérieux Américain, Steve Pitchenik. Devant une telle démonstration de force, les brigades rouges n'ont qu'à bien se tenir. En fait, comme beaucoup d'Italiens, elles se tiennent devant leur poste. À l'appel des différents syndicats, ce sont plus de 15 millions de salariés qui ont cessé le travail aujourd'hui pour descendre dans la rue. Ils protestent contre, je cite, « le plus grave attentat jamais commis contre l'État démocratique ». Sur la grande place Saint-Jean-de-Latran, drapeau rouge des communistes et drapeau blanc des démocrates chrétiens s'agitent ensemble fraternellement. On n'avait encore jamais vu une scène pareille. Le plus grave attentat contre l'État démocratique, je rêve. De quel droit ils brandissent le drapeau rouge? Ça, des ouvriers? Ils se comportent comme des fascistes. Pourquoi le peuple se met à soutenir le pouvoir bourgeois? On veut les libérer de leurs chaînes. Ils viennent lécher le visage de leurs bourreaux comme des chiens stupides qu'ils sont. Le monde est un peu plus complexe que vous semblez le croire, jeune homme. Ils n'en revenaient pas, les kidnappeurs. Eux qui croyaient susciter un grand mouvement populaire, en un sens ils ont réussi, mais en faisant l'unanimité contre eux. On n'en pouvait plus à l'époque de la violence, du terrorisme, même à l'extrême gauche. Alors évidemment, tout de suite, il y a eu des voix pour s'élever et réclamer des lois d'exception et le rétablissement de la peine de mort. Tout ce désordre, ça en arrangeait certains. Des nostalgiques d'un État fort, si vous voyez ce que je veux dire. Des gens qui étaient d'accord avec les Américains. On ne le savait pas encore à ce moment-là, mais Gladio s'est révélé être une sacrée aubaine. tous ces pseudo-combattants de l'ombre qui piaffaient mais ne voyaient aucun russe venir. On les a envoyés mettre des bombes sur des marchés, dans des trains, partout où ils pouvaient faire le maximum de dégâts, de blessés, de mutilés. Et après, on met tout sur le dos de l'extrême gauche. Ça s'appelle la stratégie de la tension. À ce point, le peuple est censé réclamer un gouvernement fort qu'on lui fournit grâce à un coup d'État. On, me direz-vous, c'est qui, on ? Pendant les 55 jours de sa détention, le président de la démocratie chrétienne va écrire une centaine de lettres à ses proches, à ses alliés politiques, et même à Paul VI, qu'il connaît depuis le temps où le futur pape était aumônier de la Fédération universitaire catholique, présidée par le jeune Moreau. Telle est la situation où je me trouve, détenteur de toutes les connaissances et de la sensibilité qui découle d'une longue expérience, avec le risque d'être appelé ou induit à parler d'une manière qui pourrait s'avérer déplaisante ou périlleuse dans certains cas précis. Ça, c'est une menace où je ne m'y connais pas. Une menace qui devait rester secrète. Les brigades le lui avaient promis, mais ils n'ont pas pu résister. Rien ne doit être caché au peuple. Tu parles. C'est le condamné à mort, Moreau. Ni plus ni moins. Au fait, ils ont réclamé quelque chose, les brigades rouges ? Rien. C'est ça qui est drôle. Ils veulent faire le procès du chef le plus éminent, le théoricien et le stratège indiscuté de ce régime démocrate chrétien qui depuis 30 ans opprime le peuple italien. Bref, le fasciste en chef, un procès qu'ils gagneront, évidemment. Et puis après. Alors c'est à ce moment-là qu'ils feront connaître leurs exigences. On zigouille Moreau ou bien... Jamais le gouvernement ne relâchera Franceschini et les autres brigades rouges à Turin. Jamais. Et puis le gouvernement a assez répété qu'il n'était pas question de négocier. D'ailleurs, je suis bien d'accord avec lui. Négocier, c'est laisser la porte ouverte à n'importe quel chantage. Mais on a toujours négocié. C'est la fois de trop, on dirait bien. Peut-être qu'ils veulent être reconnus comme politiques, tout simplement. Que voulaient les brigades rouges ? Faire une démonstration de force ? Un coup médiatique ? Une chose est sûre, on ne voulait pas voir libérer l'honorable Moreau. On, toujours. Car il savait des choses, Aldo Moro. À commencer par l'existence de Gladio. Et il en a parlé, à mots couverts, à ses ravisseurs. Mais on, ce n'est pas Gladio. C'est celui ou ceux qui tirent les ficelles. Et voilà qui tombe bien, il existe un personnage qu'on appelle le marionnettiste. Ancien fasciste, ancien partisan, lié à la CIA, ami du général Perón et de Ronald Reagan... Licio Gelli a fondé une prétendue loge maçonnique, une loge qui ne respecte aucune des règles de la maçonnerie, P2, P pour propaganda. En 78, personne ne connaît la loge P2, sauf certains magistrats morts d'une indigestion de plomb, ou alors les 1000 à 3000 membres de ce club très privé. On y remarque l'héritier du trône italien, ainsi qu'un quasi-inconnu à ce moment-là, Silvio Berlusconi. Il y a aussi tous les chefs des services secrets et beaucoup de hauts gradés dans l'armée et la police. Tout ce qui compte en Italie appartient à P2. Et P2 a un objectif, anéantir le communisme. Alors quand il invite le PC au gouvernement, Moreau devient fatalement un ennemi pour P2. Grâce à sa mainmise sur les dirigeants des différents services de police, Licio Gelli a réussi à ralentir l'enquête sur l'enlèvement de celui-ci. Il semble même qu'il assistait à la première réunion du comité secret de Cossiga. On rapporte aussi qu'au moment précis de l'enlèvement, Gelli préside une réunion de la loge, au cours de laquelle il aurait déclaré « le plus dur est fait ». Le plus dur ? Aldo Moro semble déterminé à rendre le reste de la tâche tout aussi difficile. Telle est la situation où je me trouve, avec le risque d'être appelé à parler d'une manière qui pourrait s'avérer périlleuse dans certains cas. Il ne mâche pas ces mots destinés au ministre de l'Intérieur. Aussi, tout en jurant ses grands dieux que l'ancien président du Conseil ne connaît aucune information sensible qu'il risquerait de révéler aux brigades, Cossiga réagit avec une remarquable célérité à la diffusion de cette lettre et à la menace qu'elle contient. L'honorable Moreau est-il atteint du syndrome de Stockholm ? A-t-il été victime d'un lavage de cerveau ? C'est la question que l'on peut aujourd'hui légitimement se poser. Dans son dernier discours, le président du Conseil, Giulio Andreotti, affirme que ses écrits rédigés sous la contrainte ne peuvent pas, je cite, être considérés comme moralement authentiques. Nous ne reconnaissons pas notre ami Aldo Moro dans ses déclarations arrachées par les mauvais traitements ou peut-être même la torture. Non, je ne peux pas entendre un mot de plus. Comment peut-on mettre en doute la fermeté d'esprit de votre père? C'est bien son style, sa manière de voir les choses. Il donne même toutes les indications pour sortir de cette impasse. Alors à quoi jouent-ils tous? Aldo Moro s'attendait-il à ce que ses amis politiques contre-attaquent aussi brutalement, en tentant de le décrédibiliser? Ils avaient peur. Peur de ce qu'il pourrait lâcher pendant son interrogatoire. Et de fait, la lecture du mémoire qu'il a rédigé pendant sa captivité montre qu'il a dit beaucoup de choses. Il a parlé de la stratégie de l'attention, du prêt que le banquier véreux Sindon a fait à la démocratie chrétienne à l'époque du référendum sur le divorce. Il a dit qu'il n'était pas d'accord pour que les bases américaines en Italie soient utilisées pour ravitailler les Israéliens. Le fait qu'il estime que les Palestiniens avaient droit à une patrie, ça aussi, ça passait mal côté Kissinger. Et il a surtout parlé d'Andreotti, qui, grâce à l'enlèvement, venait de former un gouvernement sans les communistes, mais avec leur soutien, un comble. Andreotti, qu'il accuse d'être un informateur des services secrets, un ami proche de Sindona, dont on n'a pas fini de parler. Il l'accuse aussi d'arroser ses amis industriels avec l'argent de l'État, par le biais d'Italcas. L'honorable Andreotti, qui se trouve, dit-il, pour notre malheur et la honte de notre pays, à la tête du gouvernement. Non, il ne porte pas Giulio Andreotti dans son cœur. Bientôt, l'interrogatoire d'Aldo Moro est terminé. Un interrogatoire mené avec la complète collaboration du prisonnier, précisent les Brigades Rouges, histoire d'inquiéter un peu plus les démocrates chrétiens. Le 15 avril, le dirigeant politique est jugé coupable et condamné à mort à cause du rôle contre-révolutionnaire de la démocratie chrétienne au service des multinationales et de son œuvre antipopulaire durant 30 ans. Une deuxième phase s'ouvre donc. Dans ses lettres, Aldo Moro plaide avec l'énergie du désespoir pour un échange de prisonniers. Le premier devoir de l'État, argumente-t-il, est de sauver des vies. Cependant, le gouvernement en tient pour la ligne dure. On ne négocie pas avec les terroristes. Réfléchissez bien, mes amis. Est-il possible que vous soyez tous d'accord pour vouloir ma mort au nom d'une soi-disant raison d'État? Réfléchis bien. Toi surtout, Zaccagnini, qui es au plus haut point responsable. Souviens-toi que je m'étais retiré de la vie politique. C'est toi qui m'as supplié de revenir à une époque qui s'annonçait pleine de difficultés. Ma famille avait besoin de moi. Tu le savais. Pourtant, j'ai cédé à ton assistance et aujourd'hui je me retrouve ici sur le point de mourir pour avoir dit oui à la démocratie chrétienne à cause de ton assistance. Si la pitié l'emporte, le pays n'est pas perdu. Si vous n'intervenez pas, par contre, une page terrifiante de l'histoire de l'Italie sera écrite. Mon sang retombera sur vous, sur le parti, sur le pays. On les a appelés les années de plomb parce que ça a tiré du plomb. C'était une escalade de la violence, avec le terrorisme des Brigades Rouges, comme au niveau de la subversion à droite. Ça a commencé par tirer dans les jambes, puis tirer pour tuer, ensuite séquestrer pour interroger, pour finalement séquestrer pour tuer. Notre invité aujourd'hui pour nous parler d'Aldo Moro et de toute l'histoire autour d'Aldo Moro, c'est Emmanuel Amara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes reporter, documentariste et auteur de plusieurs livres, dont « Nous avons tué Aldo Moro », paru en 2006 chez Patrick Robin Éditions, et du documentaire « Les derniers jours d'Aldo Moro » qui a été diffusé également en 2006 sur France Télévisions. Exactement. Bien, alors c'est une image qui hante la mémoire collective des Italiens. Le corps d'Aldo Moro retrouvé mort dans le coffre d'une voiture le 9 mai 1900. 178. Peut-on dire, Emmanuel Amara, que l'Italie vit toujours avec le fantôme d'Aldo Moro? Oui, je pense que ce fantôme les hante et les hantera, je pense, à jamais. C'est comme si, en fait, encore aujourd'hui, même si on a une explication quasi officielle, parce qu'elle a été reconnue quand même par un ancien chef de gouvernement, un ancien président de la République, un ancien ministre de l'Intérieur, et surtout par celui qui a été l'artisan de ce plan diabolique, la vérité a encore du mal à être admise et elle a encore du mal à trouver son chemin, en fait, bizarrement en Italie. On la rappelle, cette vérité officielle ? Aldo Moro a bien été enlevé par les Brigades Rouges, il a bien été exécuté par le chef de la colonne romaine des Brigades Rouges, Moretti. La vérité officielle, c'est qu'en fait, c'était un plan organisé, manipulé par l'envoyé des États-Unis et en accord avec l'État italien de l'époque. Alors, il fallait qu'Aldo Moro, pour le bien de l'Italie, pour la stabilité politique, pour ne pas laisser entrer les communistes au gouvernement, il fallait que cet homme meure et qu'il soit sacrifié. Et on rappelle que l'Italie est importante pour les Américains, en tout cas à l'époque, puisque c'est un pays qui a beaucoup de bases de l'OTAN, et énormément de l'OTAN. Donc pour les Américains, d'un point de vue géopolitique et géostratégique, l'Italie, c'est une affaire sensible, si j'ose dire. C'est un verrou. C'est leur verrou méditerranéen, et leur verrou est l'un de leurs verrous européens. Effectivement, il y a de grandes bases de l'OTAN. Il y a aussi une armée secrète contre insurrectionnel qui s'appelle Gladio, qui est totalement manipulé par les services secrets. À la solde des États-Unis. À la solde des États-Unis, absolument. Bien, alors, enquêter sur une affaire pareille qui est tellement compliquée, ça ne va pas être facile, mais enfin bon, c'est votre rôle et votre métier, vous l'avez plutôt bien fait. Vers qui êtes-vous allé d'abord ? Les ex-brigadistes, les politiques ? Les journalistes, la famille d'Aldo Moro, qui étaient vraiment les témoins clés pour vous ? Évidemment, les brigadistes, ceux qui ont participé à l'enlèvement de Moro. Tous n'ont pas pu répondre à mes sollicitations. Certains sont encore en prison. Ceux qui en sont sortis ont accepté de me parler. Ensuite, il y a les hommes politiques, les représentants de l'État. Andreotti, à l'époque, a refusé. Mais un autre chef de gouvernement qui était son ministre de l'Intérieur à cette époque, Francesco Cossiga, lui a accepté. Mais il manquait un homme que tous les Italiens essayaient de retrouver depuis des années. C'est le mystérieux envoyé spécial de Jimmy Carter, du département d'État américain de l'époque, pour intégrer la cellule de crise montée par le ministère de l'Intérieur. Il s'appelle comment ce monsieur ? Et cet homme, c'est Steve Pieczenik, un monsieur extrêmement brillant, psychologue, psychiatre, un peu diplomate, un peu agent secret. Et il est envoyé par Jimmy Carter pour essayer de trouver des solutions avec les Italiens pour sortir ou pas Aldo Moro de sa geôle à Rome. L'enjeu politique, donc, c'est une alliance entre la démocratie chrétienne italienne, qui est une droite centriste, on va faire une analogie avec notre système politique français, et puis le PCI, Parti communiste italien, mené par ce charismatique Berlinguer, et qui n'a rien à voir avec l'URSS. C'est pas un parti qui est aligné sur le stalinisme, au contraire, c'est un parti ouvert, c'est un parti de gouvernement. C'est un parti italien. C'est un parti italien. Alors, les Américains n'ont pas compris ça, ou n'ont pas voulu le comprendre. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le comprendre. À l'époque, c'est la guerre froide. Les deux blocs s'affrontent. À partir du moment où il y a un parti communiste, il est forcément... Évidemment, il y a aussi des liens, quand même, malgré tout, historiques, politiques, idéologiques, avec l'URSS de l'époque. En fait, deux ans auparavant, en 1976, il y a eu des élections. Et pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le parti communiste italien arrive à un score jamais atteint qui est 34-35% du corps électoral italien. Et en face de lui, il y a la démocratie chrétienne. Oui. Son représentant le plus charismatique, c'est Aldo Moro. Oui. Aldo Moro, en fait, c'est quelqu'un qui a le sens de la politique. C'est un vrai politicien. Et il a envie, il sent, en fait, que le moment est mûr pour tenter une ouverture. Et il appelle ça le compromis historique. Et en 1978, le jour où il va être enlevé, le matin où il va être enlevé, il devait y avoir un vote historique au Parlement, à la Chambre italienne, dans lequel les communistes joindraient leur voix à celle de la démocratie chrétienne. On allait découvrir sans doute quelque chose d'inconnu pour l'époque, mais qui n'a jamais pu avoir lieu. Merci Emmanuel Amara. On va se retrouver dans quelques minutes. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette histoire trouble des années de plomb en Italie. C'è l'amore a cena e tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco. poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando tu. Quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non va là, che lo sai, mi sta da vicino tu. Sei più bella che mai, ma ci da un minuto tu. Non ne dai, non ne dai, chi ti ha fatto entrare tu? Chi mi brucia sei tu, e anche la mia marcia in più. Ed un po' di follia, quanto basta perché tu, come lei, non sei mia. Se mi fai l'amore ti canterò come se fossi una canzone. Canterò e camminando sveglierò chi sta sognando più di me. Al mondo siamo io e te, ragazza triste. Canterò la pioggia perché venga giù, il vento che si calmi un po', il cielo perché sia più blu e mi sorrida tu. Saponetta che scivolando non c'è, mi chieda un'ora tu, hai bisogno di me, che ti ossigeno di più, dimmi che non sei tu, un miraggio ma sei tu. Aldo Moro sent qu'il est abandonné, même de ses amis, comme Benigno Zaccagnini, secrétaire de la démocratie chrétienne. Jusqu'à Paul VI qui ruine ses derniers espoirs en exigeant une libération sans condition. À l'instant, à l'improviste, alors que s'esquissait quelque espoir ténu, est tombé incompréhensible l'ordre d'exécution. Noretta, ma toute douce, prie pour moi, caresse aux petits, à nos enfants chéris. Étonnant, le gouvernement reste fermement arc-bouté sur sa position de la ligne dure et Aldo Moro, qui ne l'ignore pas, a encore un faible espoir. D'où pouvait bien venir cet espoir? On sait maintenant que les socialistes ont tenté de négocier, la famille également, par le biais du Vatican, que la mafia même avait proposé de s'entremettre. Illich Ramirez Sanchez, le fameux Carlos, a affirmé en 2008 qu'un échange avait brutalement avorté à l'aéroport de Beyrouth la veille de l'exécution. Le sentiment d'Aldo Moro qu'il allait finalement être sauvé n'était donc pas totalement illusoire. Un grain de sable est venu gripper la machine. Et ce grain de sable se nomme... Steve Pitchinik, du département d'État américain, un psychiatre spécialisé dans la négociation lors des prises d'otages, que Jimmy Carter envoie à Kosiga dès que celui-ci alerte l'OTAN. D'après ses propres dires, le négociateur venu des USA est là pour faire échouer les négociations. Aldo Moro était désespéré, il allait tout révéler. Pour préserver la stabilité politique de l'Italie, il fallait qu'il meure. J'ai instrumentalisé les brigades rouges dans ce but. Peut-on se fier aveuglément à ce promoteur des théories du complot qui a un sens inné de l'autopromotion ? Quand on y réfléchit, ce raisonnement ne pêche-t-il pas un peu? Si le problème consiste dans les révélations que peut faire Moro, qui vaut-il mieux éliminer? Celui qui les fait ou ceux qui les entendent et peuvent les propager? En tout cas, Francesco Cossiga confirme les dires de Pitchinik. Sacrifier son ami à la République lui a fait des cheveux blancs, admet-il peu avant sa mort en 2010. Mais heureusement, les catholiques peuvent se confesser, ajoute-t-il. Cela efface le remords. Pas d'hypocrite qui irait s'abriter derrière le devoir accompli. Je voudrais que demeure clairement établie la responsabilité de la démocratie chrétienne qui s'est comportée de manière incroyable. Je ne veux pas d'homme de pouvoir à mon enterrement, pas d'hypocrite qui irait s'abriter derrière le devoir accompli. C'est l'heure, président. Ah ? Vous pourrez vous occuper de cette lettre ? Voilà vos vêtements. Vous pouvez les remettre maintenant. Saluez vos camarades pour moi. Voulez-vous ? Je le ferai. Mais dépêchez-vous, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous rappelons à nos téléspectateurs que le corps de l'honorable Moreau a été découvert cet après-midi par deux fonctionnaires de police. Il se trouvait à l'arrière d'une 4L garée rue Caetani dans le centre de Rome. L'autopsie, pratiquée immédiatement, a déterminé que le président de la démocratie chrétienne avait reçu 11 balles dans la poitrine. Le ministre de l'Intérieur, Francesco Cossiga, a immédiatement donné sa démission. « Je suis politiquement mort », a-t-il déclaré. Quant à la famille, elle refuse toute manifestation officielle. Elle s'enferme dans le silence et demande le silence. Le 4 août de l'année suivante, Francesco Cossiga devenait le nouveau président du Conseil. Nous prions pour les commanditaires, les exécuteurs de ce crime horrible. Nous prions pour ceux qui, par jalousie, par lâcheté, par peur, par stupidité, ont ratifié la condamnation à mort d'un innocent. Nous prions pour que le désespoir et la colère que nous éprouvons aujourd'hui se transforment en pardon. Nous prions. Moreau, mort et enterré, l'enquête peut vraiment commencer. L'enquête ! Si l'enquête avait été conduite avec le bon sens de la ménagère, on aurait tout de suite trouvé mon mari. Mon contact, il dit que Dalla Chiesa savait dès le premier jour où était la cache et que Cossiga lui a interdit de rien faire. Chut. Pourtant, les moyens mis en œuvre étaient impressionnants. On parle de milliers de perquisitions, de millions de gens interrogés. Mais c'est bien ce que je dis. De la démesure, pas du bon sens. Des milliers de perquisitions. Le juge Luciano Infelice, il dit que quand il a démarré l'enquête, il n'avait ni téléphone ni policier à sa disposition. Juste une dactylo. Vous voyez ? Les brigades rouges, elles ont leur part de responsabilité. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est elles qui ont appuyé sur la gâchette. Mais qui les a armées ? Qui les a menées à faire ce qu'elles ont fait ? Qui a empêché qu'on communique pendant tout ce temps où mon mari a été séquestré ? Qui ? Qui nous a empêchés, nous, la famille, de dire un mot qui ne serait pas la ligne du parti ? Et qui, d'ailleurs, l'a défini, cette ligne du parti ? Pas de négociation avec les terroristes. Qui a décidé ça ? Une heure à peine après l'enlèvement ? Qui ? Vous comprenez maintenant ? On ne voulait pas retrouver l'honorable Moro. Déjà, on lui avait refusé une voiture blindée. À quoi sert d'avoir 5 gardes du corps si la voiture n'est pas à l'épreuve des balles ? L'honorable Andreotti prétend que votre mari n'en a jamais fait la demande. L'honorable Andreotti. Bien. Nous allons vous laisser, signora. Vous devez être fatigué. Le bon sens, par exemple, aurait été de suivre les hommes qui portaient les lettres destinées à mon mari. Ils recevaient des réponses ? Naturellement. On n'a pas communiqué uniquement par journaux interposés. Notre vicaire de Santa Lucia, par exemple, Don Antonello Menini, qui passait des lettres au pape. Est-ce que la police est intéressée à ces allées et venues ? Aujourd'hui, archevêque et nonce apostolique en Grande-Bretagne, Monseigneur Antonio Menini est officiellement présenté par le Vatican comme le coursier de certaines lettres de Moreau et le prêtre qui, juste avant sa mort, a entendu la dernière confession de celui-ci. Le même Vatican a toujours su éviter à Don Antonello de témoigner aux auditions des différents procès Moreau. Ça n'a peut-être rien à voir, mais le père de Don Antonello, c'était Luigi Menini, le bras droit de Mgr Marcinkus à la Banque du Vatican. Mais si, vous savez, cet énorme scandale au début des années 80, le krach de la Banque Ambrosiano, le prétendu suicide à Londres de son directeur Roberto Calvi, un membre de la loge P2, lui aussi, entre parenthèses, Calvi. Et puis, grand ami avec Licciogelli. Il a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire, le Vatican. Et le papa Menini, lui, il s'est retrouvé embarqué, les menottes au poignet. Et Sindona, oui, encore Sindona, membre de P2 lui aussi. Il blanchit l'argent de la mafia et Paul VI ne trouve rien de mieux à faire que de l'embaucher comme conseiller financier du Vatican. C'est un vrai sac de nœuds, cette histoire. Et n'oublions pas l'abbé Pierre, qui fonce à la démocratie chrétienne parce qu'un mandat d'arrêt international a été lancé au nom de Innocente Salvoni. C'est qui, Innocente Salvoni? Ah, on l'a vu via Fanny au moment de l'enlèvement. Intéressant, qu'est-ce qu'il fichait là, en effet? Et Hyperion, c'est quoi encore ce truc? Une école de langue? Une école basée à Paris et qui vient ouvrir une succursale chez nous? Et qui la ferme en juin, au bout de 6 mois seulement? En juin 78? Une école fondée par Corrado Simioni? Fondateur d'un collectif politique qui va devenir les Brigades Rouges, Simioni s'en éloigne pour créer cette fameuse école Hyperion, dont la secrétaire Françoise Tuchère, épouse Salvoni, est la nièce de l'abbé Pierre. Attrapant sa pèlerine et ses godillots, celui-ci se précipite à Rome pour plaider la cause de son neveu par alliance. Mission accomplie, Salvoni disparaît de la liste des individus recherchés. À ce jour, les liens d'Hyperion avec le terrorisme international et les services secrets ne sont toujours pas complètement éclaircis. Quant à Corrado Simioni, il meurt en 2008, vice-président de la Fondation Abbé Pierre. Dans ce sac de nœuds intervient aussi Mino Pecorelli, journaliste à scandale, lié à P2 et aux services secrets, qui en savait plus que quiconque sur les dessous de l'enlèvement et qu'on abat la veille du jour où il doit révéler de vilaines choses sur Andreotti. Condamné à 24 ans de prison pour ce meurtre, il dit au Giulio, à la divine surprise de voir ce jugement annulé par la Cour de cassation en 2003. Il meurt dans son lit en mai 2013 à l'âge de 94 ans. La politique conserve certains des hommes qui s'y consacrent. Et pas seulement la politique. Licciogelli, sans doute à cause de ses 95 ans, n'est pas en prison pour ses nombreux crimes, mais en résidence surveillée dans sa luxueuse villa. Quant à Aldo Moro, comme il le craignait, sa mort a entraîné l'explosion de la démocratie chrétienne sous la pression des scandales, ouvrant la voie du pouvoir à Silvio Berlusconi. Elle a bien sûr sonné le glas du compromis historique. Aujourd'hui, il ne serait plus nécessaire de tuer un homme pour paralyser une politique sociale ou communiste en Europe. Le traité transatlantique est conçu pour le faire en douceur. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. La fiction autour d'Aldo Moro, notre invité aujourd'hui, Emmanuel Amara, cinéaste, écrivain et auteur du documentaire intitulé « Les derniers jours d'Aldo Moro ». Emmanuel Amara, on vous retrouve donc pour essayer de nous éclairer sur cette affaire sombre des années de plomb en Italie. Il y a un élément important qui est celui de la crise économique et sociale. Qui joue un rôle dans tout ça? Quel rôle? Oui, en fait, 76-78, ce sont toujours les années de plomb, donc des années d'agitation sociale très importante. C'est aussi une période de grave crise économique pour l'Italie et aussi d'une très grave crise politique. L'Italie est à feu et à sang. Ce sont tous les jours des manifestations. Il y a des attentats extrêmement régulièrement de la part de l'extrême gauche, avec les Brigades Rouges, c'est le groupe le plus important, mais il y en a aussi plein d'autres. Et un terrorisme d'extrême droite très important qui fait des morts tous les jours dans les rues d'Italie. Et notamment l'attentat de Bologne, je crois. L'attentat de la gare de Bologne. Qui était vraiment très, absolument sanglant et qu'on a mis sur le compte, à tort ou à raison, de l'extrême droite. On l'a mis à raison sur le compte de l'extrême droite, puisque c'était une extrême droite manipulée par cette fameuse loge P2 et Gladio, pour créer, l'idée était de créer la terreur en Italie, pour provoquer un réflexe sécuritaire qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Et cette théorie du chaos, justement, mettre l'Italie au bord du chaos pour qu'éventuellement un pouvoir fort, et de préférence de droite, conservateur, arrive, c'était les vues des États-Unis ça aussi? C'était les vues des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en Italie. Alors, on a régulièrement accusé Giulio Andreotti. Alors, on va rappeler que c'est l'homme politique le plus connu de l'après-guerre en Italie. Il était plusieurs fois président du Conseil. Il a été le chef très longtemps de la démocratie chrétienne, qui était jusqu'à il y a quelques années le parti pivot de la vie politique italienne. Alors, qu'est-ce qu'il savait, Andreotti, sur Aldo Moro, sur sa mort? Est-ce que, parce qu'on l'a dit, Andreotti n'aurait pas souhaité la mort de Moro parce que Moro aurait su trop de choses? Et quoi? En fait, pendant le temps où il est séquestré, Aldo Moro traverse plusieurs phases. Et la dernière phase, qui est la phase où il comprend en fait que tous ses amis politiques le lâchent, il commence à parler. Alors, il ne révèle rien de très grave, mais il laisse entrevoir qu'il sait beaucoup de choses et qu'il va peut-être parler. Et c'est ce moment en fait que choisit le négociateur américain Steve Piecenik, en accord avec Francesco Cossiga, le ministre de l'Intérieur, et évidemment tous les autres, à commencer par Giulio Andreotti. C'est le moment choisi en fait pour décider de la mise à mort d'Aldo Moro. Donc Andreotti est au courant de tout, évidemment. De même que Francesco Cossiga, que tous les ministres qui sont évidemment en place, les services secrets italiens, américains également à ce moment-là. Est-ce que ça voudrait dire, pour le coup, qu'il y aurait une sorte d'accord parfaitement crapuleux entre le pouvoir italien et les Brigades Rouges? Non. Les Brigades Rouges, en fait, se sont fait manipuler. Ah. En fait, les agresseurs sont devenus les victimes. Enfin, on ne va pas pleurer non plus sur elles. Elles ont quand même mis à mort cet homme politique qui était tout à fait innocent. Mais les Brigades Rouges, en fait, se sont fait prendre à leur propre piège. L'Américain, en accord avec les Italiens, a amené les Brigades Rouges à tuer Aldo Moro. Au sein de la colonne des Brigades Rouges romaines, il y a un vote quelques jours avant l'assassinat. Ce sont les brigadistes qui me le racontent, Valerio Morucci ou Adriana Faranda. Deux s'abstiennent de voter la condamnation à mort, c'est Faranda et Morucci. Les autres votent l'exécution. Mais ensuite, quand il s'agit de qui va tuer Aldo Moro, personne ne lève la main. Et c'est Morucci qui abat de plusieurs balles de pistolet dans le parking de là où il était séquestré, de l'immeuble où il était séquestré, Aldo Moro. Thank you. Emmanuel Amara, il y a un acteur toujours important en Italie pour tout, et y compris en politique, c'est évidemment le Vatican. Quelle a été l'attitude du Vatican, et notamment quelle a été l'attitude de Paul VI qui arrivait à la toute fin de son pontificat et de sa vie d'ailleurs? Il fait une tentative pour sortir Aldo Moro des mains des Brigades Rouges. Et il annonce une après-midi comme ça sur la place Saint-Pierre, au micro, retransmis par toutes les télévisions italiennes et du monde d'ailleurs. Il demande aux Brigades Rouges et à la colonne romaine des Brigades Rouges de libérer Aldo Moro sans condition. Le sans condition a posé beaucoup de problèmes aux Brigades Rouges. Ça n'a pas dû, je pense, aider les brigadistes à vouloir libérer Aldo Moro. Quel était le socle idéologique des Brigades Rouges? C'était ouvertement à gauche, la gauche, à l'extrême gauche? C'est un vrai mouvement révolutionnaire armé qui, à l'époque, veut faire la révolution en Italie, pense que tout l'État, l'histoire leur a donné un peu raison là-dessus. L'État est corrompu et surtout est aux mains et dirigé par les multinationales américaines et par le gouvernement américain. Et donc les Brigades Rouges, qui sont un peu des enfants perdus du grand soir, qu'ils veulent et qui n'arrivent pas, versent dans l'action violente et finalement dans une impasse. On a vu comment ça s'est terminé. Alors, les Italiens ont toujours été conscients que leur système politique était infiltré par ce qu'on appelle la corruption, en général, de la part des hommes politiques, de la mafia également. On est arrivé à un paroxysme de cette situation avec l'assassinat d'Aldo Moro, parce que là, se mêlent aussi des actions violentes. Donc ça devient le chaos complet en Italie. Donc ça, forcément, ça traumatise un pays, ça traumatise un peuple. Et les Italiens ont voulu revenir à quelque chose de plus démocratique, de plus normal. Est-ce qu'on peut dire que ça a ouvert les portes à Berlusconi, tout cela? Parce qu'il est arrivé un peu avec ce drapeau-là, ça va changer une autre Italie. Et finalement, on a versé dans une autre sorte de corruption avec Berlusconi, qui est la corruption financière. Alors, il y a d'abord eu un passage socialiste avant cela. Bon, enfin, globalement, l'après Aldo Moro, c'est un réflexe sécuritaire quand même énorme en Italie. Les têtes des services secrets changent, il y a un virage à droite complet, c'est la démocratie chrétienne qui reprend le pouvoir. En 3 ans, les brigadistes qui se sont complètement discrédités avec cet assassinat sont tous arrêtés, disparaissent ou s'exilent à l'étranger, en France d'ailleurs notamment, pour certains, où il y a une espèce de rédemption qu'il leur est proposée. Et notamment à certains Battisti. Exactement. Et oui, ensuite les années 80, après c'est la vague libérale qui revient avec cette Amérique triomphante de Reagan. On retombe dans l'excès de la guerre froide et qui va toucher l'Italie. Effectivement, ça amène... Et la corruption, peut-être, mais surtout Berlusconi dans les années 80. Et aujourd'hui, le système politique italien, est-ce qu'il a changé? Je pense. Alors, avec Matteo Renzi, il y a une sorte de retour à une politique qui a une certaine geste, une certaine flamboyance. Je crois que les Italiens sont quand même un petit peu méfiants quand même par rapport à Matteo Renzi. Mais enfin, ils voient quand même qu'il porte l'Italie, porte la parole de l'Italie assez fort. Oui, je pense qu'il y a un grand changement. Enfin, disons qu'on a atteint le fond avec les dernières années du gouvernement Berlusconi et tout ce qui est sorti avec, enfin, toute cette énorme corruption. Et puis surtout, l'Italie était touchée par la crise. Donc, après une forte période d'instabilité où on s'est cherché, y compris avec Beppe Grillo, des solutions un peu alternatives, ce qui a été trouvé de plus stable, c'est Matteo Renzi. C'est une espèce de compromis historique à nouveau. Ah oui, sans jeu de mots. Bravo, en tout cas, ce sera le mot de la fin, Emmanuel Amara. Merci, merci pour tous vos éclairages. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles de Fabrice Drouel et Patrick Liégibel. Aujourd'hui, il faut tuer Aldo Moro de Caroline de Cargariou. Avec dans le rôle du brigadiste Julien Barret, Eleonora Anne-Benoît, Pietro Eric Erson Macarel, le rédacteur Florent Houlier, Moreau Jean-Louis Greenfeld, bruitage Jean-François Bernard Sugy, prise de son, montage, mixage Claude Nior et Manon Houssin, assistante à la réalisation Clémence Bûcher, réalisation Michel Sidoroff.